comme un oiseau d'été qui vole avec fierté à travers les cieux et le merveilleux. La vie n'est pas si rose comme on peut l'imaginer, il faut savoir se tenir prêt. Moi j'ai promis que jour et nuit j'y arriverai. À tous ceux qui ne me croient pas, je leur dis oui. Moi je vis ma vie, cette vie de folie, sans remords ni soucis, et je crois en mes amis. Moi je vis ma vie, le jour et la nuit, sans problème et sans ennui, et que cela soit ainsi. Et ma question, est-ce que vous le faites aussi? Rien ne peut m'arrêter quand j'ai décidé de m'y mettre et de m'y engager. Et pour m'aider, il me suffit d'un petit peu m'évader. La terre ne s'arrêtera pas de tourner tant que je serai là. Parce que j'ai décidé que ce sera comme ça. Moi je vis ma vie, cette vie de folie, sans remords ni soucis, et je crois en mes amis. Moi je vis ma vie, le jour et la nuit, sans problème et sans ennui, et que cela soit ainsi. Et ma question, est-ce que vous le faites aussi? Moi je vis ma vie, cette vie de folie, sans remords ni soucis, et je crois en mes amis. Moi je vis ma vie, le jour et la nuit, sans problème et sans ennui, et que cela soit ainsi. Moi je vis ma vie, cette vie de folie, sans remords ni soucis, et je crois en mes amis. Moi je vis ma vie, le jour et la nuit, sans problème et sans ennui, et que cela soit ainsi. Et ma question, est-ce que vous le faites aussi ?